Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester avec nous pour cette rencontre. L'Apostrophe est très heureuse d'accueillir, en partenariat avec le Festival d'automne à Paris, Romeo Castellucci et son équipe pour ces deux représentations de l'Orestie ainsi que pour cette rencontre. L'Orestie a été créée en 1995. C'était le premier spectacle, votre premier spectacle qui a été présenté au public français. Depuis, votre travail a une reconnaissance et un retentissement en France et en Europe remarquable. Le spectacle est aujourd'hui présenté exactement tel qu'il l'avait été lors de la création, il y a 20 ans. La fascination et le malaise, la radicalité de ce théâtre de paraboles, vous me corrigerez si ce terme vous chiffonne, fait exploser le monde, comme vous l'écrivez. Et dans un texte de 1985 que vous signez comme un manifeste, vous interpellez le lecteur-spectateur et vous y écrivez « Viens, toi qui veux combattre le fait d'être né ». Avec Eschyle et ses trois tragédies qui composent l'Orestie, vous soulevez cette question de la pourrie ontologique, vous pourriez dire, je pense, c'est-à-dire la contradiction insoluble de l'être. Non, c'est pas une question. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a deux micros qui circulent dans la salle. Moi, je voulais peut-être commencer par les références qui ont nourri cette création. Donc, le coryphée est un lapin. Vous parlez de Lewis Carroll, d'Antonin Artaud, de Melville, de Francis Bacon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça? Tout d'abord, merci d'être ici. Merci de votre patience. Voilà, oui, il y avait c'est un spectacle que j'ai fait il y a 20 ans, donc j'ai oublié beaucoup de choses, effectivement. Je l'ai retrouvé, comme on dit. C'est un objet qui appartient à une autre personne. C'est totalement un objet qui est devenu inconnu. Et donc, je dois faire un travail de mémoire, mais oui, effectivement, il y avait des références parallèles à l'histoire, à la tragédie grecque. Pour moi, c'était très important, et ça, c'est une attitude que j'ai gardée aussi dans les années suivantes, d'approcher un thème. En ce cas-là, un texte qui est l'Orestie d'Eschyle, qui est un monument, à travers des autres voies plutôt parallèles aux parasitaires, des parcours qui traversent l'objet, mais pour éviter de tomber dans l'objet même. Donc, je peux reconnaître aujourd'hui, face à un spectacle que j'ai fait il y a 20 ans, il y a une stratégie, on peut dire comme ça, oui, on peut utiliser ce mot tiré du vocabulaire militaire. Donc il y a une stratégie d'attaque vers l'Orestie. En ce cas-là, c'était très important pour moi, un certain déraillement du texte à travers Alice de Carroll, à travers l'image d'Iphigénie Alice. Il y a un parallèle, il y a tous les deux, elles suivent un lapin. Iphigénie, elle sort, il y a en tout cas un vertical, donc Iphigénie, elle sort à travers le ciel, là où Alice tombe dans un trou, non, dans la terre, donc il y a une façon de disparaître. La plus forte, c'est qu'à l'époque, j'avais découvert qu'Antonin Artaud avait traduit en particulier le Jabberwocky, la poésie contenue dans le texte de Carroll, autant que thérapie Donc, le docteur avait lui invité de faire une traduction de Carol, de cette poème, de cette poésie. Et donc, on a écouté un morceau. Donc, il y avait comme une sorte de cernière entre Carol et Schiller, Artaud. Mais donc, tout est lié à travers une certaine comment dire, structure dramaturgique qui est plutôt cachée. Et donc, effectivement, la limite de ce spectacle, il y a plusieurs limites, mais la limite, c'est que le spectateur doit connaître extrêmement bien l'Oreste. Donc, la dramaturgie peut se déclencher à partir du moment d'une connaissance assez profonde de la structure de la tragédie. Donc, voilà, ça, c'est la première limite, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Nicoletta est là aussi avec nous, qui joue Cassandre et qui avait été qui jouait le même rôle il y a 20 ans lors de la création. Donc c'est l'unique témoin. Oui. C'était une expérience de travailler dans cet spectacle. C'est une expérience comme acteur, vocaliste, présence et sur la scène avec un directeur, un regista comme Romeo Castellucci. C'était très. C'est un peu c'est une surprise en fait que Roméo a demandé de refaire l'Orestie et c'était pour moi très important de refaire cette part-là, cette cage un peu bacon, cette présence Cassandra. Pour moi, comme actrice, c'est un parcours très profond qui l'a un peu démarqué de travailler sur cette partition-là, parce qu'en fait, c'est une partition de corps, de voix, beaucoup de voix et de mots, avec les textes des skills, mais de faire une Cassandra qui c'est personne, elle écoute, elle entend. Elle parle et personne. C'est une voix inentendue qu'elle parle et donc j'ai cherché avec Roméo il y a 20 ans de trouver une cifre très particulière pour cette Cassandra. Et d'une certaine manière, pour moi, c'était un peu les premières débâcles pour tourner mon propre parcours comme vocaliste dans une autre. Comment dire que c'était un peu la première racine de mon propre parcours dans la performance aussi. Donc, pour moi, c'était un rôle spécial et fondative un peu de manière de rester sur la scène, on écoute, on regarde sur le personnage, sur la voix. Bon, donc quand Roméo a demandé de refaire l'Orestie, de refaire Cassandra, voilà, oui. En plus, ce travail, cette ouvre, c'est une dispositive. À mon avis, incroyable comme dispositif scénique, a priori. Je l'ai vécu beaucoup au dehors. Il a déjà beaucoup tourné, il y a 20 ans, il a tourné beaucoup, il était beaucoup joué. Donc, c'était quelque chose qui fait part de mon histoire, d'une certaine façon. Donc, c'était très émouvant de le refaire. Donc, merci de partager cette émotion. Et est-ce que recréer ce spectacle, c'était un désir de votre part ou c'est une demande de l'extérieur qui a été faite ou c'est une demande de l'extérieur, oui. D'accord. Moi, j'ai douté beaucoup parce que je n'aime pas un travail, comment dire, de nostalgie, non. Moi, je ne crois pas du tout dans mon travail. J'ai eu beaucoup de suspects et de doutes. Mais enfin, moi, je l'ai retrouvé, comment dire, je l'ai ramassé du sol. Donc, c'était vraiment comme un objet trouvé à nouveau. Donc, il y avait autant de distance, en fait. Effectivement, ce metteur en scène, c'est un inconnu pour moi aujourd'hui. Donc, mon attitude est totalement différente, aussi au rapport à la tragédie. Voilà, qui est en tout cas resté, comment dire, les piliers de mon travail, je pense. L'Orestie, c'était à l'époque, ça, oui, c'était mon oui, c'était un moment de réflexion profonde au niveau de la pensée du geste esthétique au théâtre. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire déjà l'esthétique du tragique? Qu'est-ce que ça implique au niveau de l'existence, voilà. Voilà. Mais au niveau formel, voilà, moi je suis une autre personne aujourd'hui. Y a-t-il des questions dans la salle? Sinon. Oui, oui, oui, si. Puisque vous avez échangé. Oui, oui, oui. Effectivement, oui, j'ai travaillé. Non, parce que, ecco, questa Carla, la nostra Elettra. oui, non, j'ai travaillé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de vidéos. Et moi, j'utilisais très peu la vidéo, donc j'ai dû retravailler surtout sur les cahiers, sur les notes, et donc refaisant le même procès de créatif. Donc j'ai dû, marcher sur les mêmes marches que j'avais fait, mais à travers les cahiers, à travers les notes. À travers aussi la mémoire des autres, on avait perdu beaucoup de choses, on a dû reconstruire beaucoup de choses, mais moi j'ai cherché absolument de rien toucher. Exactement parce que c'est un objet totalement extérieur, et donc j'ai cherché de garder tous les petits détails que j'ai pu reconstruire, comme on dit, à travers la mémoire. Et voilà, c'était vraiment comme un travail de, oui, de, c'est pas une restauration, c'est, je sais pas, c'est comme, c'est un travail, il s'agit d'une time capsule, quelque chose qui est consigné du passé aujourd'hui, et moi, mon travail c'était plutôt technique et assez froid. Donc, je n'ai rien changé, vraiment. Il y a aussi une sorte, je découvre aujourd'hui, il y a une sorte d'apologie de la violence qui est extraordinaire. La violence, ça fait partie, c'est l'institut de la tragédie. Et par contre, la façon d'élaborer la violence qui est... La tragédie grecque, évidemment, c'est le laboratoire de la violence, non, que la ville a pensé. Mais il y a un spectacle, une stratégie, une attitude barbarique au rapport au tragique. Il y a, comment dire, la tragédie et vous, à travers questo Simone, notre corifeo, tout le monde sort de la douche. Non, il y a, comment dire, il y a le point de vue que j'ai assumé, ce n'est pas celui de celui qui a vaincu, donc au reste, et donc les principes spirituels paternels représentés par Apollon, mais c'est plutôt d'assumer, c'était à l'époque assumer le point de vue de la mère, le point de vue de celui qui perd, donc de Clytemnestre. Et donc aussi tout le rapport avec le langage, évidemment, a été, comment dire, plongé dans cette dimension totalement maternelle et matérielle. Donc le texte est presque disparu. Yorgos, notre Égisto. Ah, poi c'è Marcus e Antoine, Oreste e Pilade. Voilà. Donc, il s'agissait d'assumer autant que principe philosophique, je dirais, le point de vue de la femme. La femme, en ce cas-là, ça représente le théâtre pré-tragique. Effectivement, l'Orestie, c'est le moment où c'est vraiment le pivot à travers lequel la culture occidentale change d'orientement. Donc, on passe du droit maternel et de la gynécocratie, si on peut dire comme ça, ou à travers les jugements d'Oreste, c'est la naissance du droit, effectivement. Hein. C'est la naissance mythologique du droit. Donc, on abandonne la vénziange, qui est un aspect primitif de la société, et on passe au droit. Mais par contre, cet jugement est masqué, parce que ce n'est pas juste qu'Oreste est considéré innocent, parce qu'il y a un piège. Donc, Athènes fait débalancer les voies en faveur d'Oreste, mais véritablement, il est coupable. Mais voilà, donc il s'agissait en ce cas-là de reconsidérer le point de vue beaucoup plus primitif. Donc c'est pour ça que la voix, c'est plutôt écorcé. Donc c'est la voix elle-même est matérielle, tombe dans une, je dirais, une matière qui appartient au sol, à la terre. Il y a une façon tellurique de considérer la force, non? Il y a aussi un tremblement de terre, au niveau littéral, parce que la femme a été scandalisée. Et donc la mère terre a été scandalisée, etc., etc. Maintenant, vous regardez ce que vous avez fait il y a 20 ans de l'extérieur, c'est aussi votre interprétation, c'est l'interprétation que c'est le moment où s'installe la patriarchie, vous ne ferez plus de manière pré-patriarcale, si je peux demander. Est-ce que vous avez changé aussi de votre lecture de la pièce ou de votre appréciation de quelque chose? Effectivement, l'Orestiade, c'est vu comme le moment où il y a un changement de matriarchie à la patriarchie. Absolument. Donc, est-ce que vous serez toujours dans ce sens de vouloir prendre la... comment dire... de soutenir Clytemnestre, de cette manière de... Oui. Absolument. Absolument, oui. Moi, je pense que... je pense qu'il y a un côté, comment dire, du théâtre grec, qu'il y a un côté pré-tragique qui appartient à la femme, donc on peut évidemment penser au mystère de l'Éleusis, non? Donc il y a toute une tradition pré-tragique qui pense notre position, non, le fait d'être né sur la terre, non? Donc il y a une référence pour moi extraordinaire, et c'est évident dans certaines, autant que trace dans certaines tragédies. Et l'Orestie, c'est extraordinaire. Et voilà, moi je pense encore une fois que le... moi personnellement j'ai une conception de l'art qui est tragique. Donc le tragique, qu'est-ce que c'est le tragique? C'est un argument qui est immense, évidemment. C'est la notre racine et on peut pas échapper de la dimension tragique. Quand on est en train de penser, de réfléchir l'art en Occident, non? Tout est là, je veux dire, toute la conception esthétique, la naissance de l'esthétique encore plus, est née exactement dans ce contexte très bref d'ailleurs, mais très condensé. Mais personnellement, je pense que moi je suis toujours plutôt pour Clytemnestre, en tout cas. Oui, donc à partir de ça, on peut vraiment la dimension, la présence, déjà l'acte de présence, d'être là avec un corps. Non, ça fait partie d'une attitude qui est féminine, je pense. Plutôt que d'être là comme peut-être plutôt que être là comme comment dire doubleur d'un texte, non? Il y a aussi le théâtre grec, ça représente aussi la naissance de la littérature. Donc la littérature, mais la littérature, ce n'est pas du théâtre. C'est littérature. Donc il y a... È molto lungo come argomento, c'est une discussion très longue. Mais c'est passionnant. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'au moment de sa création, faire ce spectacle, c'était d'une certaine manière interroger le théâtre, qu'est-ce que c'était que l'acte théâtral? Quel rapport pour vous entretiennent le théâtre et le réel? Parce que le choix des corps ou mettre des animaux sur le plateau, ça induit pour le spectateur un rapport particulier au réel. Oui, certainement. Oui, le théâtre, c'est toujours une sorte de champ de bataille contre la réalité. Donc on est là, tout le monde, pour suspendre le pouvoir, l'absolutisme de la réalité. Mais on peut imaginer de suspendre la réalité seulement si on est capable de produire du réel. Et le réel, c'est quelque chose qui échappe d'abord au langage. Donc il n'y a aucun langage capable de soutenir et de parler, entre guillemets, du réel. Le réel échappe, le réel, c'est quelque chose qui est obscur, peut-être. C'est certainement le corps de l'animal. L'animal qui est là pour dévorer le langage. Et là, comme une menace. Justement, je pense, ça c'était une intuition, je pense que assez intéressant de terminer avec des singes, donc de quelqu'un qui vole la dernière possibilité de communication. Il n'y a aucune communication. Parce que justement, le langage lui-même a suivi un lapin, un intrus, et disparu. Il s'agit, grâce à la présence de Clytemnestre, dans ce cas-là, d'éclipser, on peut dire comme ça, le langage à travers le corps. Donc, et ça, on peut l'appeler le réel. Le réel, c'est caché dans notre peau. Dehors de notre peau, il y a la réalité, il y a le monde. Non? Dedans, il y a le réel, quelque chose qui a... devant lequel le langage est impuissant. Mais donc il y a une urgence du corps. Et voilà. Oui, donc vous nous expliquez que ce spectacle a 20 ans, si j'ai bien compris. Néanmoins, vous nous avez montré un merveilleux spectacle au Théâtre de la Ville, cette année même, Oedipe le tyran, donc, qui est aussi inspiré des Grecs, bien sûr. Donc, je voudrais savoir si, entre ces deux spectacles, que j'ai eu la chance de voir tous les deux, comment vous caractériseriez votre évolution, à la fois dans votre perception du tragique et sur le plan de votre dramaturgie, pour monter les Grecs? Oui. Mais les Grecs, pour moi, ce n'est pas un argument, c'est plutôt un destin. Donc, simplement parce qu'il n'y a rien d'autre de si fort, de si essentiel, de si brutal aussi. La violence chez les Grecs, c'est une violence constitutive qui constitue l'acte même de regarder. Donc, à travers les tragiques, on est vraiment capable de mettre à nous l'acte de regarder. C'est la structure peut-être plus primitive, mais la plus essentielle, donc, qui est capable de dépasser toute l'anecdotique, je veux dire. Donc, tout appartient à la structure du théâtre. À travers la tragédie, on peut ressentir le feu central du fait, par exemple, qu'on est tous ensemble, tout autour, un feu. Et le feu, c'est le théâtre. Donc il y a un côté, comment dire, excusez-moi le mot philosophique, mais je pense qu'il y a un côté ontologique du théâtre qu'on peut ressentir seulement dans la tragédie. Après ça, on a construit beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut revenir le plus possible, au moins personnellement, à cette expérience qui est la plus originale. Ce n'est pas du tout quelque chose de lié au passé, ou l'archéologie, mais je pense vraiment que la tragédie est quelque chose qui est figé dans le temps, donc ce qui est au-delà du passé, au futur, au présent. C'est comme, comment dire, l'étoile polaire. C'est un point d'orientation, toujours fixe dans le ciel nocturne. Et donc, voilà, pour moi, j'ai dédié à la tragédie beaucoup de mon travail. Je pense que la tragédie est capable de donner une place au spectateur central. La tragédie et les tragiques, ce n'est pas une histoire mauvaise, méchante, pas seulement ça, mais c'est plutôt une technique du regard. Donc c'est le regard tragique qui fait toutes les choses tragiques. Donc c'est une technologie du regard, je dirais, même pas une technique, une technologie du regard, à travers laquelle on peut regarder le regard. Et ça, pour moi, c'est déjà quelque chose. Surtout, je dirais, en cette époque, là où regarder est devenu un acte qui a perdu son innocence et qui est un acte qui est devenu, oui, aussi politique, si vous voulez. Oui, moi je voudrais bien prendre la parole. Oui, monsieur, oui, vous avez. Oui. Alors, cher Romeo Castellucci, vous avez dans votre nom à la fois le château et la lumière. Hein? Ah, questo è Loris Re Agamennone. Devo parlare un attimo, posso parlare? Devo parlare. Chi? Claudia. Ah, ciao Claudia. Cosa devo fare? Devo parlare un attimo con i miei amici. Posso parlare? Devo parlare un attimo con i miei amici. Il è vraiment un roi, eh? C'est vraiment le monarca absoluto. Alors, la question, c'était... Je disais que... Le Castel de la Luce. Voilà, vous avez un nom formidable, à la fois château et la lumière. Alors, je vais souvent en Italie, à Ravenne, donc vous êtes né à Cesène. Et je comprends très bien l'italien. J'étais au premier rang. Come dire. Oh, piccolino, basta. Oh. Devo parlare io. Non, scusi. Non, va bene. Alors, j'étais en train de dire que je vis une partie de l'année à Ravenne. Vous êtes né à Cesène, c'est deux villes voisines, et je comprends très bien l'italien. Et tout à l'heure, j'étais dans la première partie de votre spectacle, au premier rang. Donc, j'essayais de comprendre les dialogues en italien, et je ne captais rien, parce que vous me bombardiez de sons. C'était un bombardement sonore. Et pourquoi ce bombardement sonore ? Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un côté, je veux dire, maintenant j'ai une autre attitude, mais je pense que déjà dans les volumes, c'est déjà, il y a déjà beaucoup, il y a un message, qui peut-être que c'est encore plus important du contenu. Donc c'est une façon de brûler. C'est une façon de rendre impossible l'écoute. C'est une façon de faire trembler les choses, littéralement. Mais vous m'avez abîmé un peu les tympans, hein, parce que je suis allé me reposer après dans le foyer du théâtre, où j'ai lu vos entretiens, et là, ça m'a beaucoup reposé de votre pièce. Ok. Non, je sais que les sons énervent beaucoup, ça c'est clair. Je ne sais pas comment vous le justifiez. Ce n'est pas une justification. Pourquoi tellement bombardé de sons comme ça ? Parfois, on découvre que des choses désagréables sont nécessaires. Je suis désolé. Non, je le dis, je suis honnête. Hein, oui. Donc, je ne suis pas revenu à la deuxième partie, à la troisième. J'ai lu vos entretiens, que je trouve formidables. Alors, je me dis, peut-être qu'il ferait mieux de faire des entretiens sur le théâtre plutôt que de faire des pièces. Pourquoi pas ? Je suis désolé, mais moi, je suis parvenu à la deuxième partie. Certes. Non, mais chaque... Puis les fesses de votre comédien, réaction, c'est sympa, mais quel non, sens ? Non, mais c'est les fesses du comédien qui sont très belles, hein, mais... Enfin, franchement, c'était un peu trop en premier plan. Les deux chevaux, je me suis dit, mais c'est subventionné par Citroën. J'ai pas compris, c'est... Il y a une apparition de deux chevaux dans l'obscurité. Oui. Je me suis dit, c'est subventionné par Citroën. Vous vous rappelez, là, deux chevaux ? Ah, c'est... Non. Ils sont là, on se demande pourquoi. Parce qu'il y a les chars de Cassandre, évidemment. D'accord. Ah non. Non, moi je le dis, la limite de cette mise en scène, c'est le fait que malheureusement, les spectateurs doivent connaître la structure dramaturgique. Je dirais un plus. Le sanglant qui coule de source, là, on a déjà vu ça, de fluxus, toutes les performances. Mais clair. Moi je suis le premier. Ça date un peu, hein, vos trucs. Oui. Non, mais moi je n'ai aucun problème. Vous êtes en train d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Voilà, je préfère vous lire que de vous voir au théâtre. Voilà, je vous le dis. Non, mais ça va. Non, mais tout va bien. Chaque jugement, chaque réponse de vous, c'est absolument légitime et vous avez certainement raison. Voilà. C'est comme ça. Mais j'ai raté la chose de Citroën, ça je n'ai pas compris. En tout cas. Je ne suis pas expert en tragédie, pourtant j'ai reçu, de la même manière que j'ai reçu de vos autres pièces. Et on... Vous parlez dans le micro. Bon, d'accord. Je ne sais pas, enfin, c'est pas une vraie question en définitive, c'est surtout parce que vous avez posé une limite pour moi, qui n'ai pas une culture suffisamment approfondie. Alors ça m'a donné envie d'en connaître davantage et de lire la feuille de salle et de la relire pour approfondir. Mais de la même manière que lorsqu'on écoute une fugue de Bach, on la reçoit sans tout en comprendre. Et lorsqu'on commence à étudier le contrepoint, les entrées, etc., on s'élève. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on reçoit d'une manière assez inconsciente. Et ce que je voulais également indiquer, c'est que je me souviens des pièces que j'ai vues de vous il y a 10 ans. Les images gardent la fraîcheur de, comme si je les avais vues hier. Donc c'est assez intéressant parce qu'on les emporte avec nous. Elles reposent et elles cheminent avec nous et on les comprend aussi à notre manière et ça construit notre paysage intérieur. Et là, ce soir, enfin, peut-être que même si on ne comprend pas la tragédie, on peut quand même la ressentir au travers de ce que vous nous présentez. Voilà, ce n'était pas une question, je suis désolé. Non, c'est parfait. C'est... effectivement, ça c'est une technique, un dispositif que j'ai utilisé autrefois. Ça c'était, je pense, la première fois. Je pense qu'il y a une difficulté, c'est un peu l'équivalent du son. Donc il y a, comment dire, une petite frustration du regard, exactement parce qu'il faut gagner ce qu'on est en train de regarder. Mais je pense que c'est aussi... le point de contact au milieu entre le plateau et la salle. Donc on peut, c'est comme le regard lui-même congelé qui est devenu tangible. Donc voilà, il y a aussi ce côté, beaucoup plus sensible, non? Donc on est obligé à faire un effort pour gagner une image. Donc on passe toujours à travers un filet qui est le filet de pêcheurs, si vous voulez. Donc il y a quelque chose à rattraper, je pense que c'est aussi une déclaration aussi de distance entre les deux parties. Donc la frontalité est déclarée, mais en même temps c'est le point de contact, donc c'est le point intime de contact entre le spectateur et ce qui se passe sur la scène. Il y a aussi des effets, évidemment, de lumière, etc. Bonsoir. Ce n'est pas une question sur cette pièce-là. C'est plutôt une question un peu plus générale. Par rapport à l'œuvre que vous portez, pendant cette pièce, donc moi j'en ai vu des plus récentes, pendant cette pièce, il m'est venu quelque chose comme ça en tête, et il y a un autre metteur en scène italien dans une famille... différente, hein, de esthétique de la vôtre, qui est Pippo Del Bono. Et pendant cette pièce, je me disais, qu'est-ce que ces deux metteurs en scène nous disent dans des propos très différents, mais peut-être pas tant que ça, vous allez me répondre, de l'Italie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous dites? Moi, je connais pas vraiment le travail de Pippo Del Bono, donc je ne sais pas vraiment. È molto differente. È molto differente. Sì, non, ma... je pense qu'on est très différent. J'ai eu très peu d'occasion de voir son travail. Donc, qu'est-ce que se raconte de l'Italie d'aujourd'hui? Je sais pas. Non, je pense qu'il y a. Moi, oui, évidemment, j'habite en Italie, très peu d'ailleurs, mais donc moi je reçois des vagues je suis plongé dans cette réalité, etc. Je pense que maintenant, c'est différent, mais je pense que mon travail n'a rien à faire avec la, comment dire, un commentaire. Voilà. Ce qui se passe au monde, ce n'est pas un sujet pour moi. Il n'y a aucune... Évidemment, oui, mais ce n'est pas en intention. Voilà, pas du tout. Au contraire, je pense que être inactuel, c'est le sommet de la contemporanité. Donc, même parce que si j'assume la position du commentaire, évidemment, je retiens mon jugement le meilleur. Non, moi je ne suis pas du tout le meilleur pour donner un jugement sur n'importe quoi. Je pense que le théâtre ne doit pas juger et faire une ligne entre les bons et les mauvais. Je pense que c'est plutôt sur les côtés mauvais, à vrai dire. Le théâtre est méchant, je pense. Pas du tout juste. Surtout, il n'est pas juste. La tragédie grecque, au niveau vraiment de la structure, représente le lieu trompé. La tragédie grecque, c'est une erreur. Donc, cette erreur est la naissance de l'art occidental. Donc, je ne peux pas donner un jugement parce qu'il n'y a aucune moralité. Donc vous voyez l'Orestie, quel est le sujet de l'Orestie? C'est la violence absolue. Et c'est pour ça qu'il a été toujours fasciné un peintre comme Francis Bacon. Où il y a le corps qui s'est défait, qui est écorcé. C'est vraiment la boucherie. Parce que c'est ça. Donc il y a la chute de la civilisation. Donc il y a la vengeance sanglante au milieu de la société, donc dans la famille. Donc la brutalité absolue, c'est dans le noyau de la famille. Donc là où l'amour, a priori, doit prendre sa place. Donc ce n'est pas une invention à moi, la violence, c'est notre racine. La violence esthétique, je veux dire, la violence. Pourquoi on est fasciné par la tragédie grecque? Ça, c'est une question. C'est pas du tout agréable. C'est l'horreur absolue. On est perdu dans la manque de lumière, non? Donc, c'est l'expression la plus parfaite, je dirais, de la violence. D'ailleurs, il y a René Girard qui a écrit des choses extraordinaires sur le rapport entre la violence et le sacré, qui est un rapport absolument étroit. Donc voilà, ce sont des interrogatives qui sont plus grandes de nous. Peut-être qu'il ne faut pas répondre. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est impossible d'utiliser le théâtre pour faire un commentaire. Et de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Je fais un théâtre pédagogique qui veut faire du bien, parce que moi je suis juste, je connais toute l'histoire, écoutez-moi, moi je suis le maître, moi je suis le prêtre, moi je suis... je ne sais pas, le sacerdote, moi je ne crois pas du tout à cette attitude. Voilà. Mais on est différent, heureusement. On va peut-être s'arrêter là. Je vous conseille très vivement, si vous voulez un peu mieux approfondir cette lecture de l'Orestie, deux petits textes de quelques pages qui sont publiés dans l'ouvrage Les pèlerins de la matière. Écrit par Claudia et Romeo Castellucci aux Solitaires Intempestifs. C'est... Non, non, c'est important. C'est mieux de lire l'Orestie d'Eschyle. parce que c'est mais de faire des allers-retours entre tout ça, c'est extraordinaire. C'est un texte extraordinaire, d'une beauté incroyable. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.